J'en viens de loin, pris au piège par la street. Je me réveille le lendemain. Des fois je vis des tas de cauchemars dans le rêve de les combler. La street a changé, que du bon et du mauvais. Paranormal street, frérot. J'en viens de loin, pris au piège par la street. Je me réveille le lendemain. Des fois je vis des tas de cauchemars dans le rêve de les combler. La street a changé, que du bon et du mauvais. Paranormal street, frérot. J'en viens de loin, pris au piège par la street. Je me réveille le lendemain. Je garde les yeux ouverts parce que j'ai tag veut m'enfermer. Mes potos sont pas carottes parce qu'ils sont bien formés. Les faux frères je les ai laissés parce que c'est sans eux que je vais gagner. La misère me touche pas parce que je l'ai esquivé. La trouille de la toucher avec un regard à te fait descendre. Le cigare et le pétrole, y'a que ça qui transcende. Je prends la bonne route parce que là je fais du bon sens. À chaque fois que je fais la merde, frère, le soir j'y pense. Condamné à perdre et souffrir pour gagner, c'est le dernier pour résister. Pour moi l'échec je l'ai écrasé. Paranormal street, frérot. J'en viens de loin, pris au piège par la street. Je me réveille le lendemain. Des fois je vis des tas de cauchemars dans le rêve de les combler. La street a changé, que du bon et du mauvais. Paranormal street, frérot. J'en viens de loin, pris au piège par la street. Je me réveille le lendemain. Des fois je vis des tas de cauchemars dans le rêve de les combler. La street a changé, que du bon et du mauvais. La zone est renforcée parce que la droite peut plus entrer. Le gun tant tu lui en passes des face à face. Scène sur la surface, paranormal street. Le feu brille dans les cités. Le soir vers 23h, les queues débarquent pour te noter. Abandonne pas tes prises, même si tu te fais poncer. Le public est là, les caméras t'ont filmé. C'est la même chose partout, mais c'est trop dur à expliquer. La street rétablit sans la vie, tu perds la vie. Ou même t'as pas de vie, parce que la vie c'est la vie. Oh, joue pas au rapido, sinon tu crameras l'eau. Que bref, revenons à la street. On s'en fout de la politique. Fuck le FN, fuck le FN. J'crame le rap et peur FM. Paranormal street. Paranormal street.